ça fait des années je te cherchais. Aujourd'hui je réalise parce qu'on est en train de vivre. Pour moi t'as tout fait, t'es mon bonheur, tu le sais. Je serai ta moitié devant Dieu et nos familles. Tu as réussi là où les autres ont échoué. Je t'ai donné mon cœur car tu l'as mérité. Et nos parents, je vois dans leurs yeux la joie de nous voir faire nos premiers pas à deux. Je sais, oui, que je ne rêve pas. Je sais, oui, que je ne rêve pas. Youm, ana wiyak, yak, aga al hayat. Ana wiyak, yak, aga al hayat. Oh, mon cœur s'élève. J'ai dit oui pour la vie à celui que j'aime. Oh non, mon cœur s'élève. J'ai dit oui, je donnerai tout à celle que j'aime. Y'a eu des hauts débats, t'as créé des dégâts, le reste c'est le destin. Aujourd'hui je remercie tous ceux qui n'y croyaient pas. Ne nous en voulez pas, c'est notre destin. Ce jour est arrivé, bébé les mariés. Tout le monde est dans la salle, veuillez accueillir monsieur et madame les mariés. Nous vous souhaitons le meilleur. Je sais, oui, que je ne rêve pas. Je sais, oui, que je ne rêve pas. Oh, mon cœur s'élève. J'ai dit oui pour la vie à celui que j'aime. Oh non, mon cœur s'élève. J'ai dit oui, je donnerai tout à celle que j'aime. Oh, mon cœur s'élève. J'ai dit oui pour la vie à celui que j'aime. Oh non, mon cœur s'élève. J'ai dit oui, je donnerai tout à celle que j'aime. Ana, ana, wiyak. قاع الحياة أنا أنا وياك قاع الحياة أنا أنا وياك قاع الحياة أنا أنا وياك.